Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui j'ai avec moi Adrien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoute, j'espère que tout le monde va bien et nous en tout cas on va bien, c'est le principal. Bah ouais, écoute, ça va bien, on a quelques éclaircies de temps en temps sur la région, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ben ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et du coup, on est en début de mois, on n'avait pas d'idée de sujet, on va être franc, on va être cash. On n'a pas pu faire, en fait, la semaine dernière, le spécial Star Wars. Nebu n'a pas pu voir tout Vision, donc ça va arriver un peu plus tard. Mais aujourd'hui, du coup, vu qu'on n'avait pas d'idée de sujet, on va parler de news. Donc, news manga, comics, pop culture, et on terminera par les conseils d'achat. Du coup, c'est parti pour les news manga. Henri, dis-moi, je te laisse commencer. C'est quoi ta première news manga? Yes. Du coup, moi, ma première news, ça va être un peu plus de précision sur la saison 6 de My Hero Academia, donc du coup, qui a été annoncée directement presque à la fin de la saison 5, où d'ailleurs, on a eu une belle saison 5. C'est vraiment des arcs que j'ai bien apprécié à lire et pas déçu de l'animation. Ça, c'est cool. Et du coup, My Hero Academia devrait sortir donc 2022 et courant normalement printemps. Mais bon, avec la période Covid qu'il y a ces derniers temps, peut-être que ça sera retardé pour l'été 2022. Mais voilà, donc on devrait l'avoir sur ces thèmes-là. Alors, la question, c'est est-ce que d'après toi, ça sera la dernière saison? Alors c'est possible parce qu'on se rapproche de plus en plus de la fin d'après un peu ce qui est annoncé par l'auteur entre guillemets, mais je me dis que peut-être que ça serait quand même peut-être deux saisons encore, mais je pense qu'on n'ira pas plus loin que deux saisons parce que déjà là ils ont fait donc on va dire que deux gros arcs, je crois, à la saison 5. De mémoire, je ne sais pas si tu l'as vu, Jeff, toi, la saison 5. Alors, j'ai vu le début, puis après, on a complètement lâché avec Océane et on n'a pas encore repris. Bon, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se faire du big watching, même si je ne suis pas fan de ça. Et donc, ouais, ça va être quand même assez cool. Mais après, du début que j'ai vu, c'était quand même assez sympathique. Ouais, parce que le début, du coup, c'est... c'est pas l'entraînement en commun. Mais si, c'est l'entraînement en commun. C'est l'entraînement en commun. Donc du coup, en gros, il y a eu trois arcs entre guillemets dans cette nouvelle saison. Oui, en sachant qu'ils ont également inversé les arcs ils ont inversé deux arcs également. Ouais, je pense qu'ils ont, tu vois, ils ont inversé les arcs parce qu'ils voulaient finir sur du gros sur un énorme arc. Un des meilleurs de ces derniers tomes, quoi. De toute façon, c'est on va dire le My Villain Academia, hein, où en fait on suit vraiment la part tout entière des vilains, sans spoil, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ou pas lu, mais on suit en fait le dernier arc vraiment que les vilains, donc voilà. Et en fait, ouais, ils ont interverti. Alors, en fait, chronologiquement, alors c'est mal expliqué un peu dans l'animé parce que si tu l'as pas lu, tu peux pas le comprendre. Mais à partir du deuxième arc, au tout début, ils te disent quelques mois plus tard, après tel événement, voilà ce qui se passe. Et en fait, cet événement-là, tu l'as après le deuxième arc, en fait. Ouais. Donc voilà. Mais je pense que c'est parce que il voulait finir sur un énorme arc, un gros arc et un arc qui envoie du pâté un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix d'intervertir les deux. Et puis, du coup, le début de la saison 6 va être explosif. Ouais, c'est ça. Du coup, là, ça va être feu patate. Hein. De toute façon, là, les derniers, dès que ça touche, on va dire, l'après My Villain, là, c'est assez ouf. Hein. Moi, je suis en train de les lire. C'est à chaque tome, c'est n'importe quoi. Et là, waouh. Et me spoil pas, je crois qu'il me manque les deux derniers. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais je le fais exprès. De toute manière, tu prends ma pile. Ouais, c'est ça. C'est elle n'arrive jamais à diminuer. C'est ça. Alors que moi, j'arrive à une certaine constante où, bon, il y a des bouquins et je me dis, il va falloir que je m'y remette. Et d'autres que j'achète quand même assez régulièrement. Donc, j'arrive à suivre. Alors, attends, qu'on soit bien clair. J'arrive à suivre. En fait, j'achète maintenant que... alors, je n'achète pas de nouveautés de tome 1, quasiment. Je prends juste les suites. Et là, sur ma page, je suis à 75 mangas. Ah, qui te reste à lire ? Ah, qui me reste à lire. Ah oui, moi je sais pas, j'ai pas de page où je me note tout ce que je dois lire. Ça pourrait me décourager. Non. Ah. Ouais, mais au moins moi, tu vois, je me force comme ça, je lis tout. Au moins c'est sûr et certain, toutes les lectures sont lues. Donc du coup voilà. Alors moi de mon côté, c'est une news vraiment très très fraîche. J'ai vu le trailer, enfin plutôt le teaser de Dragon Ball Super Super Héros. Toi tu l'as pas vu, Adri? Eh ben non, parce que tu vois, même moi, tu vois, c'est une chronique, tu vois, qui me sert même à moi, parce que je n'étais pas au courant que le trailer était déjà sorti, tu vois. Donc, alors écoute, ce que je te propose, c'est que tu te mettes sur YouTube. Que tu tapes Dragon Ball Super, Super Héros, trailer, tu vas le trouver tout de suite. Et je vais voir pour lancer... Écoute, j'ai juste mis Dragon Ball sur YouTube et c'est en troisième proposition. Donc, Voilà, et normalement, tu dois tomber sur un trailer qui doit durer 45 secondes. Ouais. Et ben, je suis en train de le regarder. Eh bien, écoute, je le lance de mon côté également. Comme ça, les gens vont pouvoir écouter la musique et on en débat juste après. Alors, j'ai pas beaucoup commenté le trailer pour que tu puisses bien en profiter. Ouais. Alors, grosso modo, je résume le trailer pour ceux qui ont juste entendu le son. Une nouvelle organisation, je pense que c'est un dérivé du Red Ruban qui va faire son apparition. On voit Pan sortir un peu de qui. Alors, honnêtement, c'est ce qui m'a le plus hype de toute la des 45 secondes. Hein. Quand j'ai vu Pan commencer à concentrer son ki. Ah ouais, ça c'est cool. Et puis en plus, elle a l'air d'avoir quand même grandi, tu vois. Donc ça c'est cool. Oui. En voyant ça, j'espère, tu vois, je sais pas pourquoi je pense, mais j'espère qu'ils ont fait du coup grandir aussi Trunks et Goten, tu vois. Parce que genre, Pan, tu la vois grandir, mais j'ai l'impression les deux ils restent minus, tu vois. Alors, d'après les rumeurs. On les voit pas, mais bon. Ça serait bien qu'il les fasse grandir quand même un peu. Ben, d'après les rumeurs, oui, ils vont grandir et compagnie. Donc, on voit qui, on voit Pan chargé du ki, on voit Piccolo se faire attaquer chez lui. En pleine éducation, franchement, c'est pas cool, ça. Ouais, voilà. Quand il ne médite pas, tu vois, le mec... Et on voit cette organisation de super vilains qui regarde également les datas de Goku, Vegeta, Buu et compagnie. Et voilà. Alors, moi, grosso modo, il y a quelque chose qui ne me plaît pas déjà, c'est l'animation. J'en étais sûr. Non, mais attends. L'animation, elle est quand même spéciale. Hein, elle est... Ouais. Autant l'animation qu'ils avaient fait pour Broly et tout, c'était juste abusé, c'était genre trop stylé. Mais là, ouais, d'ailleurs, tu vois, on voit bien que c'est vraiment le ruban rouge qui revient, hein, parce que le petit là qui est avec la veste bleue là qu'on voit au début là, l'espèce de mini méchant là, il a un gobelet du ruban rouge. Ben ouais. Un gobelet ruban rouge, on en avait un. Mais je trouve ça, enfin voilà, moi ce qui me gêne, alors peut-être que l'histoire sera géniale mais l'animation est tachée, j'ai l'impression de voir l'animation du jeu vidéo Kakarot. Ouais, ça fait penser un peu à des films de... Ouais, c'est ça, des jeux vidéo, des cinématiques de jeux vidéo un peu. C'est vrai qu'il y a ce... En fait, c'est la texture qu'ils ont, les personnages. Tu sais, ils sont un peu, je sais pas... Bah ouais, c'est... Alors, par contre, tu vois, il y a un grand avantage, c'est que Bandai, ils vont pas se faire chier à faire le jeu vidéo, quoi. Ils l'ont. Oui, c'est sûr. Mais après, il est pas non plus... Enfin, c'est pas dégueulasse, tu vois. C'est pas genre mal fait ou quoi. C'est juste qu'on a pas du tout l'habitude de voir ce genre de... d'animation, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque film, ils essayent des animations différentes. Après, ça peut être un parti pris, tu vois, d'essayer de se renouveler sur l'animation, de proposer, d'accord, du Dragon Ball, c'est pas nouveau, entre guillemets, mais au moins, ils essayent de tenter des nouvelles choses dans l'animation. Ça va plaire, ça va pas plaire, après, à voir comment le rendu final, tu vois. Mais c'est pas... pas moche, tu vois, c'est juste que ça fait bizarre de voir l'animation comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Dragon Ball dans ses animations. Il fait beaucoup penser à cinématique, quand même. Et, à voir. Après, bon, premier teaser, je sais pas trop si l'espèce de... si c'est un héros qu'on voit, mais non, ça a l'air d'être un méchant, peut-être, celui qui est... je sais pas si c'est lui qui attaque vraiment Piccolo ou pas... l'espèce ouais. de personnage là, le numéro 2, je crois que c'est ouais, un gentil, c'est d'après ce qu'ils avaient dit. Je pense que ça doit être un héros. Ouais, il me fait penser un peu à la Patrouille Galactique, tu vois. De manière, c'est un film de super-héros, donc voilà. Alors, du coup, quand même, j'ai vu certains commentaires. Hein. Alors, c'est en anglais, hein, mais j'ai un sentiment terrible. Il y en a un qui a dit que l'opening de Raging Blast est super cool. Donc, Raging Blast, qui est quand même un jeu qui commence un peu à dater, parce qu'il datait de la PS3 et de la 3.6. Donc voilà, il y en a un qui ça lui fait penser à Kakarot, hein, donc c'est noté. Et là aussi, enfin bref, l'animation ça plaît pas vraiment, quoi, hein, donc on verra. On verra peut-être sur une vraie bonne annonce, parce que bon, là c'était vraiment genre un trailer 45 secondes. Bon, ça passe vite quand même, donc à voir ce que ça peut donner, c'est sûr. Ce que ça peut donner. À voir, à voir. Et du coup, Adri, c'est quoi, toi, ta deuxième et dernière news côté manga? Ouais. Alors, côté manga, j'ai des news sur Kimetsu no Yaiba, du coup. Donc, on sait que le film a fait un gros carton un peu partout, que ce soit au Japon, même en France, tout ça. Et j'ai les dates de diffusion du coup de la saison 2 qui va se dérouler cette année. Donc aujourd'hui on est le 7 octobre et la saison 2 va commencer dans quelques jours, ce qui commencera donc le 10 octobre. Seul bémol, c'est qu'ils vont reprendre l'arc du train de l'infini qu'on a vu en film ce début de saison 2. Donc c'est assez dommage, je trouve. Ils nous promettent un premier épisode quand même inédit, mais bon, je vois pas trop en quoi il serait inédit, parce que moi j'ai lu le bouquin et je trouve que c'était quand même y avait tout ce qu'il fallait entre la saison 1 et le film, quoi. En plus, donc cette partie de l'arc du train de l'infini, ça va quand même durer 7 épisodes, donc on s'est bouffé pendant 7 semaines, donc dans plus d'un mois, quoi. Donc c'est un peu dommage. Je suppose que les fans de Kimetsu no Yaiba ont vu le film en plus, parce que bon, il était quand même disponible dans pas mal de régions. Donc voilà, j'étais un peu déçu sur ça. Et après, ils annoncent du coup l'arc du district. Donc pour donc l'arc qui suit pour le 5 décembre donc de cette année, donc 2021. Et là, alors là, je suis un peu plus hype parce qu'ils annoncent du coup un épisode 8 qui durera presque une heure. Donc ça peut être cool, ça peut compenser un peu les quelques semaines qu'on va se taper du train de l'infini, donc voilà, je sais pas ce que toi tu en penses. Alors, je suis pas un grand fan du manga. Hein. Il se laisse lire, mais c'est pas. Enfin, bref. Ouais, bien sûr. Après, je trouve que pour une fois, l'animation sublime le manga plus qu'autre chose, tu vois. Donc, c'est toujours beau à voir, quoi. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Je n'ai pas vu l'animation. Ça va sortir au mois de novembre sur Netflix. Donc, je vais pouvoir regarder la première saison. Et si ça me plaît, je me prendrai un abonnement Crunchyroll pour pouvoir regarder le film avec la seconde saison. Ok. Parce que t'as pas vu la saison 1 de Kimetsu no Yaiba ? Non. Ah ouais, tu loupes pas un truc quand même. Ah oui, par rapport, rapport au bouquin. En plus, vraiment, les premiers tomes de Kimetsu no Yaiba, le dessin est vraiment... il y a rien qui est ouf entre le dessin qui est bien et qui est pas ouf non plus. Et le scénar, ouais, c'est vrai que l'animé, tu vas prendre une claque. Ben, j'espère bien, parce que tu vois, Kimetsu no Yaiba, j'ai commencé à kiffer au niveau de l'arc du train de l'infini. Ouais, ok. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, oui. D'accord, la série vaut quelque chose. Mmh. Ben, tu verras, même l'arc qui suit, même l'arc du district, il est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Ah non, mais je l'ai lu aussi, hein. Je suis quasiment à jour. Hein. Je suis au tome... J'ai lu le tome 16 dernièrement, donc j'ai sur ma palle le tome 17 et 18, donc je le suis toujours. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai légèrement un peu de retard à la lecture, quoi. Mais ah ouais. J'ai vraiment mis du temps, quoi. Moi, je suis un peu en retard aussi. Je crois que j'ai pas lu le dernier tome, le tome 18 qui est sorti déjà un petit moment, parce qu'il y a le tome 19 qui va sortir le 13 octobre. Mais moi, je suis un peu en retard, mais bon, je les avais déjà lus, j'avoue, en scan, donc bon. Oui, bah après, tu vois. Bon, pour moi, je les achète, donc je fais quand même marcher le secteur du manga. oui, bah après, tu vois, honnêtement, c'est quelque chose que si la série aurait été disponible en lecture, version légale, type Mangaio ou Isneo, je l'aurais lu en numérique, mais je l'aurais pas forcément acheté, quoi. Parce que je comprends pas vraiment toute la hype qu'il y a autour. Alors peut-être que la hype est surtout liée à la série qui subit tout. Ah oui, tout. Ouais, clairement. Mais ça, je le saurai qu'en novembre. Okay, donc voilà un peu les news sur quand même, du coup, que beaucoup... Enfin, c'est quand même un manga attendu, donc voilà. Donc voilà. Alors du coup, moi, ma dernière news, c'est l'arrivée en France de Manga Plus. Donc c'est un service de lecture en ligne des éditions Shueisha. Et alors Shueisha, si vous connaissez pas, c'est juste ceux qui distribuent le Shonen Jump et le Shonen Jump Plus au Japon. C'est connu dans le monde entier. Manga Plus est disponible depuis des années et des années un peu partout dans le monde. Que je dise pas de bêtises, il me semble que en Angleterre ou aux États-Unis, il y a 118 titres de disponibles. En Espagne, il y a 68 titres de disponibles. Bon, en Inde, il y en a pas beaucoup, il y en a que 6. Au Brésil et au Portugal, 4 titres. En Indonésie, 5 titres. Et en Russie, 11 titres. Nous, on débarque avec 8 titres qui sont One Piece, Kaiju No. 8, Mashal, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Undead Unlock, Black Clover et Mission Yuzakura Family. Donc voilà. Et les chapitres seront disponibles les dimanches à 17h en même temps que le Japon. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc, moi, je dis enfin, on va avoir cette traduction qui va être faite simulcast, quoi. C'est pas trop tôt par rapport aux États-Unis ou la version anglaise, on va dire, en manière générale. Même l'Espagne l'a eu avant nous, même la Russie, alors qu'on est quand même depuis on va dire, c'est enfin, depuis les dernières années, on est un des plus gros consommateurs de manga au monde, quoi. Donc, on a caricolé, enfin, on colle de la deuxième et troisième place, quoi, tout le temps, quoi. Donc, sachant que la première, je considère que c'est le Japon en premier, mais bon. Mais voilà, donc je trouve que c'est dommage d'être aussi en retard sur ça. Donc espérons qu'ils renflouent un peu les catalogues. Ouais, le retard et puis les catalogues, quoi, un petit peu plus quand même. Enfin, alors, plus de dossiers, quoi. Ouais. Plus de bouquins. Pour information, donc sur Manga Plus, vous allez avoir accès aux trois premiers chapitres de ces différentes séries. Et puis après, vous allez être en quasiment simulcast avec le Japon. Pardon, excusez-moi, c'est le Covid. Du coup, en simulcast avec le Japon, et ça risque d'être provisoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les chapitres vont disparaître. Par exemple, pour Kaiju No. 8, le chapitre 44 qui est sorti le 26 septembre 2021 est disponible jusqu'au 14 octobre 17h. Après, il disparaît. Ah non, du coup, on aura à peu près combien de chapitres, du coup 3-4 chapitres. Ok. Les 3-4 derniers et les 3 premiers. Ouais, ok. Donc voilà. Donc c'est bien qu'ils aient fait les trois premiers au moins, parce que ça peut donner envie de lire ou d'acheter le bouquin, quoi. Oui, c'est vrai, c'est l'avantage. Par contre, tu vois, si tu lis My Hero Academia, par exemple, tu lis le dernier tome, tu vas pas pouvoir enchaîner, tu vas devoir, quoi qu'il arrive, lire un peu de scan pour pouvoir après lire. Et ouais, du c'est ça le... Ça, c'est le vrai problème. Le fait qu'on était tant en retard, bah, du coup, on empaille maintenant un peu le truc, quoi. Donc voilà. Par contre, l'avantage, c'est que si Manga Plus propose des mangas inédits, on pourra les suivre au fur et à mesure sans problème. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Je suis à la fois content et partagé sur Manga Plus, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, bah je te propose qu'on passe au news comics. Ouais, bah alors du coup, moi, comics, alors là, mon pauvre, ça fait longtemps que je n'ai pas lu et ni rien. Et par contre, j'ai deux autres news manga qui peuvent être intéressants. Donc, bah écoute, vas-y, balance tes deux news. Et du coup, l'autre news, c'est la suite de moi quand je me réincarne dans Slim, du coup. Donc la saison 2 est terminée depuis déjà, je crois, une semaine ou deux en France. Et il est déjà annoncé, du coup, la suite qui sera sous forme de film d'animation et qui sera diffusée dans les salles japonaises dans l'automne 2022. Donc ça risque d'être bien cool. C'est une série que je ne suis pas... je ne suis qu'un animé, donc il me tarde de voir la suite, malgré un peu pas que j'étais déçu de la fin de la saison 2, mais on va dire qu'on m'avait dit, ouais, tu vas voir la fin de la saison 2, parce que j'étais un peu en retard sur les derniers épisodes, sur les deux derniers. Et un ami qui lit un peu la nouvelle, tout ça, il m'a dit, tu vas voir, c'est trop, c'est trop délire la fin, machin, c'est énorme. Et en fait, je m'attendais à un peu plus, quoi. Mais voilà. Mais c'est quand même super cool. J'aime bien l'humour de ce manga. J'aime bien le manga. Moi, même si c'est un isekai, c'est un des rares que j'aime bien et que je suis régulièrement. Donc voilà, écoute, pour la suite. Je l'ai jamais lu, cet isekai. C'est vrai que j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Ouais, je te conseille quand même, parce que c'est vraiment un bon. C'est vraiment l'esprit shonen, tu vois. Et pour moi, il démarque un peu du reste. Donc voilà. Bah alors attends, si tu veux un Iseka qui démarque un peu du reste, j'en ai un pour toi. C'est Jikeru. Ok. C'est le sous-titre, c'est Sex Worker in Another World. Ok. C'est une lycéenne qui meurt comme une conne et qui se réincarne dans un monde où, vu qu'elle n'a pas de talent particulier, elle devient prostituée. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Tu vois, ça, c'est un autre isekai, quoi. C'est un autre style. Ah oui, c'est un autre style. Et c'est chez Meian, et t'as deux tomes, et le troisième tome sort bientôt. D'accord. Ok, bon, je verrai. Oh, mais c'est trop perché pour toi, Adri, tu le prendras pas. Peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être un peu trop, effectivement. Ouais, non, mais je te connais. Je savais que t'allais réagir comme ça, hein, dès que j'allais t'en parler. Bon, quand tu m'as dit « Ouais, j'ai un truc pour toi », je me suis douté de ce que c'était, hein, tu sais. Oh, bah écoute. Alors, je sais que c'est sorti en animé, mais j'ai Milou qui m'a prêté The Dungeon of Black Company. Et ça aussi, c'est un isekai assez sympathique. Un mec qui a réussi à gagner sa vie grâce à des actions et compagnie. Bref, il a réussi à tellement gagner sa vie qu'il ne travaille plus. Et il tombe dans un monde parallèle, du coup, où il est une espèce d'esclave bourré de capitalistes et compagnie. Et en fait, en moins de temps, il est obligé de s'endetter et à travailler à la mine. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est assez drôle. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Et ça, t'as l'animé quelque part. Ok. Et du coup, ta dernière news ? Eh bien, écoute, du coup, ma dernière news, un manga que j'aime beaucoup, alors surtout en bouquin, mais j'aime beaucoup aussi l'animé, c'est Arifureta, qui est en fait annoncé donc la saison 2 de ce manga. Donc, ça sera diffusé en janvier 2022 au Japon. Et pareil, c'est aussi un isekai, mais en gros c'est un élève en fait qui est déjà pas aimé de la classe, qui toute la classe était portée dans un autre monde, ils sont les héros machin, sauf qu'en fait dès le premier donjon des mecs en fait qui l'aiment pas le trahissent, et en fait ils tombent en gros au tout dernier niveau du donjon, là où personne n'est allé parce qu'ils n'arrivent même pas, je crois, à la moitié du donjon et c'est déjà trop dur. Et en fait, il va réussir à se métamorphoser et en fait à récupérer les pouvoirs des monstres en les bouffant, en fait. D'accord. Et du coup, en fait, il va chercher tout son possible pour sortir et rentrer dans le monde réel, quitte à tuer n'importe qui sur sa route, quoi. Ça va être un truc de vengeance un peu... quitte à buter un ancien élève, s'il lui bloque la route, il va le faire. Ok, c'est original. Ouais, bon, le début est pas très original, parce que c'est un peu le speech, voilà, mais bon, j'aime bien ce truc de pouvoir qu'il a réussi à récupérer, alors qu'à la base, chaque héros, tu sais, ils ont une classe prédéfinie, et lui... il a la classe dite un peu la plus nulle, tu vois, juste à pouvoir un peu transformer les matériaux qui touchent, tu vois, hein, genre la terre en boue, ce genre de choses, sauf qu'il va servir en fait de son intelligence et aussi de ce qu'il sait sur le monde réel pour pouvoir combiner un peu les choses et grâce aussi au pouvoir qu'il récupère des monstres, pouvoir survivre. Voilà. D'accord. Donc, début de la saison 2, en janvier 2022. Donc, je suis plutôt content. Plutôt content, parce que j'avais bien aimé quand même. Donc, voilà. Ok. En espérant juste que ça soit moins rush que la première saison, parce que j'avais moins apprécié j'avais lu le bouquin d'abord. Et en fait, j'avais l'impression qu'il rushait pas mal à saison 1, tu vois. Il loupait plein de petites informations ou de passages. Donc j'espère qu'ils vont être un peu plus mollo et être voilà, moins direct pour la saison 2. D'accord. Bon, ben on va surveiller ça, et tu nous diras. Ouais, ben écoute, je vous ferai parvenir mon ressenti l'année prochaine, début d'année prochaine. Ben, qui va bientôt arriver, mine de rien. Oui. Alors, et du coup, Jeff, toi, ta review comics alors, tes news ? Alors, mes news comics, j'en ai deux. La première, c'est que on devrait avoir. Alors, déjà, il faut savoir que récemment, Victoria Alonso, une des têtes pensantes du studio de Marvel, a confié que Marvel travaillait sur une trentaine de projets. Ah oui ? Ah oui. Alors que ça soit Disney Plus ou cinéma, hein, qu'on soit clair. D'accord, ok. Dans cette trentaine de projets, apparemment, il y en aurait un qui serait réel d'après Variety, et ça serait le premier spin-off à WandaVision, et ça serait centré sur Agatha Harkness. Alors, t'as vu WandaVision ou pas du tout ? Ouais, j'ai regardé WandaVision. Alors, Agatha, c'est la sorcière ? Ouais, c'est la sorcière, c'est ça. Voilà. Agatha, c'est ça. Donc, okay, donc ça serait un spin-off sur elle alors ? Un spin-off sur elle. Donc forcément, l'actrice Catherine Hahn serait de retour. Et okay. On retrouverait également le scénariste de WandaVision. Donc, ça restera dans le même thème un peu. Ah oui, ce serait exactement la même chose. Et apparemment, ce serait une comédie un peu noire. Donc voilà, pourquoi pas ? Bah ouais, pourquoi pas. Moi, j'avais bien aimé WandaVision. Certains avaient un peu trouvé ça long, les premiers épisodes, mais moi, j'ai bien rentré dans le trip, tu vois, de ces références un peu aux ces anciens OTV, tu vois. J'avais même adoré la session avec Malcolm. J'étais là, putain, yes, tu vois, le Malcolm, tu vois, la série que je regardais tout le temps sur M6. Et qui repasse d'ailleurs tous les étés, et tous les étés, je remets des épisodes parce que ça passe toujours bien. Donc, et je suis totalement d'accord avec toi. Ah ouais. Donc, moi, c'est le seul moment où je regarde le plus la télé, je crois, c'est pendant l'été avec Malcolm sur M6. Ou W9, non, c'est W9, je crois qu'il fait. Ouais, c'est sur W9. Tu sais qu'à un moment, j'ai Océane qui est partie au lit l'après-midi. Je suis tombé sur Malcolm, j'ai regardé ça jusqu'à 17h. Ah ouais, mais oui, bien sûr. Et je rigolais comme un con tout seul, quoi. Ah oui, oui. Ben moi, j'ai regardé ça, ouais, pareil, avec la chérie, cet été, sur mon moment de repos. Donc c'était cool. Donc ouais, mais en revenant du coup à notre sujet principal qui est WandaVision, j'avais bien aimé du coup même le début un peu long, et puis enfin long. Un peu spécial, et puis après, même avec les petits clins d'œil, les petits tips, on va dire, les trucs, genre, bon, on vous met quelques indices par-ci par-là, essayez de deviner qu'est-ce qui se passe. Non, j'avais grave, j'ai bien aimé WandaVision. Et oui, non, franchement, c'est pas mal du tout. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, de toute manière, j'ai l'impression qu'avec Disney+, Marvel va tenter énormément de types de séries, et ça, c'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'il y en a un peu à toutes les sauces, tu vois. Ouais. On a eu WandaVision qui était vraiment assez spécial sur la magie, tout ça. On a eu un peu plus du classique avec The Falcon. Falcon, c'est ça. Même si j'ai bien apprécié quand même, j'ai bien aimé. Ça m'a bien fait passer le temps sur les épisodes chaque semaine. Et après, on a eu Loki, où là, pareil, Loki, c'était fabuleux. J'ai pris une claque avec Loki. Ah oui, Loki, ça envoyait du lourd. Hein. Ah ouais, franchement. Donc ouais, il me tarde de voir un peu leur suite de série. Chez Marvel. Donc voilà. Alors, l'autre news, c'est le démarrage de Venom 2. Donc c'est Let There Be Carnage. Qui a commencé avec un démarrage record, hein, parce que le long métrage d'Andy Serkis a recueilli 90 millions de dollars au box-office pour son premier week-end. Alors, si on veut comparer, Black Widow, lui, enfin, Black Widow, elle, elle a commencé avec 81 millions. Donc, Venom a fait 9 millions de plus que Scarlett Johansson. Donc, okay. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, il faut reconnaître une chose, c'est que les critiques, c'est de la... d'après les critiques, ce film, c'est de la grosse merde. Ah ouais ? Ah merde. Alors, attends. Je vais essayer de retrouver l'avis de Comics Blog, donc notre site français, un des sites références sur le monde des comics, sur les mondes des comics. Et donc, du coup, ça commence par le titre « Venom ne respecte rien et s'en fout ». Ah, d'accord, au moins comme ça. On a aimé... Attends, c'est pas fini. On a aimé, ça dure moins longtemps que le premier. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont aimé du film. Dans le « on a moins aimé, terriblement laid, plus personne ne prend la peine de jouer, une écriture catastrophique, ne s'embarrasse plus des fondamentaux du cinéma, on aurait aimé que ça soit une blague, une pensée émue pour Kevin Feige qui va devoir composer avec tout ça. » Ah ouais. La note 0,5 sur 5. Ah oui. Juste, ah ouais, putain. Voilà. Et du coup, ça a été encore moins apprécié que Black Widow, parce que Black Widow, il était pas ouf non plus. Ben écoute, je l'ai pas vu, Black Widow, mais voilà. Alors... Si tu veux la conclusion de Comics Blog, c'est de toute façon le chemin est tout tracé. On aura beau avoir perdu une heure et demie de notre vie et tenter de vous l'expliquer, Venom sera un carton validant avec un cynisme baveux toute la démarche de Sony Pictures sur cet univers dégoûtant de A à Z. Venom n'est pas qu'un mauvais film, c'est une insulte constante envoyée à son public, qu'il soit fan de comics ou non. Un ramassis d'écriture éclaté servi par des effets spéciaux et une photographie LED, des acteurs et actrices qui n'en ont rien à faire d'être là, et un réalisateur à qui on dit « Tiens, on dit, voici une caméra ». On se demande vraiment ce qu'un certain bonhomme à casquette va pouvoir faire avec tout ça. Il faudra vraiment un miracle pour redresser le niveau après avoir plongé si bas. Ah oui, c'est quand même vraiment une descente... Voilà. De ouf, quoi. Ouais. Bon, ben, j'irai pas le voir. Hein. Alors, oui, mais non, parce que, attention, spoil, Venom est relié au MCU maintenant. Et ouais. Il devrait apparaître dans Spider-Man No Way Home. Mais non. Ah, si. Parce que, alors, ça a été spoilé, mais bon, je continue. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, au moins, ils seront au courant. Sur la scène post-générique, en fait, tu vois Eddie qui regarde la télé et qui voit Jameson apparaître et qui annonce l'identité du meurtrier de Mysterio, qui n'est rien d'autre que Peter Parker, alias Spider-Man. Ah ouais, d'accord. Voilà, exactement la même scène post-générique que dans Far From Home. Donc voilà, Venom fait partie du MCU. Ah ouais. Mais déjà, c'était bizarre parce que Carnage, normalement, c'est pas le fils de Venom. Si, grosso modo. Si, voilà. Grosso modo, si tu veux vulgariser la chose. Déjà, ça avait un peu choqué ça. Pour les seuls trucs que je connais un peu de Venom et du... et de son univers. Mais bon, ok, bah écoute, un peu dommage de se couper comme ça. Je pense qu'ils ont tellement voulu garder Sony un peu la même mise sur l'univers Spider-Man qu'ils sont lassés là-dedans, genre, bon, bah, on fait ce qu'on veut, de toute façon, c'est quand même à nous à la base. Que c'est, je sais pas, c'est un peu comme ça, du coup, via les critiques. Ouais, non. Donc voilà. Alors, normalement, c'était prévu que moi et Nico se déplaçons au cinéma pour voir ça. Donc, ah ouais. Donc voilà. Il s'en fout, lui, il a la carte, et puis vu qu'il a la carte pour deux, il m'offre de la place, donc... Oui, oui, bien sûr. Voilà. Moi, je n'ai toujours pas vu Dune, hélas. Il faut vraiment que je me trouve un moment pour aller le voir. Hein. Je te rassure, je n'ai pas vu Dune, et je ne sais pas si je vais voir James Bond. Ça dépendra quand est-ce que je peux me déplacer sur Toulouse pour le voir. Ouais. Ah, James Bond, je pense que je pourrais le voir avec la chérie. Ouais, moi ça dépend parce que Océane n'est pas fan et puis voilà, bon, enfin bref, on s'étale un peu trop sur notre vie, j'ai l'impression. Même quand on est à deux, on arrive à déborder, c'est fou ça. C'est un réflexe. Et du coup, on va passer au niveau des news pop et je te laisse commencer, Adri. Yes. Moi du coup, je vais commencer par quelques sorties qui sont prévus pour le mois d'octobre sur Netflix. Vas-y. Déjà la saison 3 de You, qui avait fait pas mal de ce que j'ai pu... Moi, j'ai vu la saison 1, c'est un peu un gros talker, tu vois. Donc, je pense que la saison 3 doit être bien attendue par la commu. Donc, voilà. Ensuite... sur Netflix, ce que j'avais vu aussi, forcément, c'est la saison 2 de Lock and Key, qui est, pour moi, qui est vraiment, en plus, qui a un peu un rapport quand même avec les comics, d'ailleurs. Bon, apparemment, et, pas du tout. Donc, non, pas du tout. Donc, voilà, moi, pour moi, c'est vraiment ce que j'attends le plus, là, en ce moment, de ce qui va sortir. Donc voilà. Je sais pas si t'as vu la saison 1, toi, de Lock and Key ? Non. Oh non, Nico m'a dit que c'était de la merde, et donc j'ai pas regardé. Hein. Bah après, tu connais nos avis tranchés avec Nico. Oui, c'est pas faux. Non, j'ai pas fait l'effort et je vais pas faire l'effort. J'ai un moment, je me suis dit, et si ? Et puis après, je me suis dit, ah ben ça fait longtemps que j'ai pas fait l'intégrale de Stargate. Ah ouais. Voilà. Ouais, mais toi, t'étais. Ah ouais, mais pourtant, ouais. Ouais, Nico, il m'avait pas dit que c'était trop de la merde non plus. Hein. Bon, il avait lu les bouquins, donc il m'avait dit que voilà, c'est pas exactement le truc, mais que quand même. Alors, je crois qu'il avait quand même regardé. Hein. Oui, lui, il a regardé, puis il m'a dit si t'es fan des. Vu que t'as lu le comic, ça n'a rien à voir, c'est de la merde. Après, si t'as pas lu le comic, ça passe. Mmh. Ah, tu vois, c'est ça la petite différence. Là. Ouais, peut-être. Donc, voilà. Écoute, en parlant de sortie Netflix, normalement, c'est Violet Evergarden qui arrive en novembre sur Netflix. Et c'est quelque chose qui me tarde. Bah pareil, écoute, j'ai vu la sortie aussi. Et ça me tarde de ouf. D'ailleurs, il y a un autre... Ouais. Donc ça me tarde bien. Ouais. Donc, j'ai adoré la série, donc hâte de voir enfin la suite. Et ben ouais, surtout que le film était prévu, enfin il est sorti, il n'a pas eu beaucoup de dates en France, et du coup là ça arrive le 19 novembre, et ouais, il me tarde vraiment d'un truc de ouf, parce que pour moi, c'était pour moi une révélation, et c'était le point fort le premier vrai point fort de Netflix quand ils ont décidé de miser sur une animation. Clairement, franchement. Ouais. Parce que franchement, tu regardes Violet Evergarden, tu dis putain, c'est une claque. Puis tu regardes la saison 2 à 5 de Seven Deadly Sins, tu dis putain, merde, et dire que Netflix a mis du pognon là-dedans, quoi. Ouais. Ouais, mais je sais pas où c'est qu'ils ont mis le pognon, parce que c'est quand même le studio qui a fait le plus gros, quoi. Oui, bah après. En fait, Netflix, ils ont juste payé les droits pour pouvoir le diffuser sur Netflix, et c'est tout, en fait. Je pense que c'est ça qui s'est passé au final. Ouais, ils ont quand même payé les droits à l'international, quoi. Et ouais, mais bon, de toute façon, cette fiche Capito, c'est vraiment, enfin, l'animation, c'est à vomir. Hein. Et le pire, c'est que tu vois, je me suis dit, bon, je vais regarder la dernière saison, parce qu'il y a la deuxième partie qui est enfin sortie. Ouais, donc... mais en plus, ce qui est triste, c'est que c'est bien. Enfin, l'histoire est vraiment cool, quoi. À la fin, bon, il y a des combats qui sont quand même pas mal. Mais bon. Ouais, encore, tu vois, j'ai l'impression que c'est le toujours plus. C'est toujours un petit peu plus, tu vois. Ça... Ah oui, ben... C'est un peu sous long à la fin, tu vois. Le roi des démons est mort, mais non, il revient dans le frère. Oh ouais, en fait, ce qui m'a saoulé, c'est qu'en gros, il a fait trois fois le même truc, quoi, tu vois. Ça... Bah ouais, là maintenant, il s'attaque à la terre. Tu dis, mais putain, mais what the fuck, mais qu'est-ce que vous avez fumé? Il fallait arrêter un moment. C'est ça. Donc voilà, ça, c'est ma seule news pop culture. Et toi, est-ce que tu en as une autre, du coup? Et il y a La Voix du Tablier, la saison 2, qui est sortie aujourd'hui. Eh ben, oui. J'ai pensé à toi parce que je sais que tu le lis. Oui. Alors, je sais pas si tu avais lu, regardé la saison 1. Alors, est-ce que toi, tu as regardé la saison 1? Alors, j'ai un peu regardé, ouais. Voilà. Alors. Et je n'ai pas fini. Je vais être totalement honnête avec toi. J'ai vu le premier ou deuxième épisode de la saison 1. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quel est mon intérêt à continuer? Parce que c'est des plans fixes où tu vois juste les bouches parler, mais sinon, t'as rien de nouveau, quoi. C'est exactement le manga. Donc, que tu le lis... Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Alors, franchement, même moi, ça m'a bloqué et j'ai même pas pu... Déjà, en fait, j'ai retrouvé ce que je mets pas dans le bouquin, c'est-à-dire un peu des épisodes comme ça, sans trop fil rouge, tu vois, de la vie lambda du mec, tu vois. Mais en plus, mal animé, alors j'ai fait, ouais, non, mais là vous m'avez perdu, les gars. Là. Alors, je pense pas que ça soit mal animé, parce que je pense qu'ils ont vraiment voulu essayer ce style-là. Ouais, mais c'est pas du tout, enfin, ouais. Ouais, mais bah après, pour quelqu'un qui a lu le manga, il n'y a aucun intérêt, quoi. Et moi, du coup, déjà que j'avais un peu de... Enfin, déjà que ça m'intéressait moyen, parce que je mets pas trop ces trucs un peu genre chaque chapitre c'est un peu un one shot et puis voilà, bah là du coup l'animation m'a pas fait rentrer dedans, quoi. Ouais, je comprends. Mais bon, je me suis dit, tiens, il y a la saison 2 qui sort aujourd'hui, c'était le moment d'en parler, surtout que je sais que toi tu lis le bouquin. Ouais, mais aucun intérêt. Oui. Donc ouais, non, franchement ça fait mal au cul, il y a vraiment voilà, quoi. Merci. Donc du coup, ben on va passer aux achats du mois. Alors, pour rappel, les achats du mois, c'est, on sait tous qu'on a un budget limité, moi encore plus actuellement, et on va partir du principe qu'on a un portefeuille de 50€ et on va vous proposer le meilleur des choses pour 50€, pas plus. Et je vais te laisser commencer, Adri. Yes, ben moi, je vais partir sur des nouveautés, du coup. Niveau manga, du coup. Je vais déjà vous parler de Berserk of Gluttony, qui sort donc de Mao Édition. On a pu en parler déjà de Mao Édition, qui est quand même un jeune éditeur. Donc, qui sort un nouveau manga. Donc, je ne sais pas si je vous donne le résumé de chaque bouquin. Si, vas-y, donne. Ok, donc, alors le synopsis, c'est donc dans un monde où les compétences font tout, faites graphite et l'une des plus inutiles, la gloutonnerie. Colère de manger, quoi. Un pouvoir qui agit comme une malédiction puisqu'elle procure une faim insatiable. Un jour, lorsqu'il exerce son métier de garde du château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa compétence s'active et dévore l'âme du malheureux. Désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes, Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime. Mais tout pouvoir a un coût et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Donc je trouvais que c'était cool donc de partir sur un truc de genre bouffer les autres pour pouvoir piquer leurs stats. Je trouvais ça assez marrant. Et surtout cette part de folie. J'espère que ça va être bien accentué, un peu ce truc, tu sais, genre un peu borderline à ne pas sombrer dans la folie, machin. Donc voilà, j'attends surtout ça, en fait, du bouquin. Et à savoir que à l'origine, c'est un light novel. Ouais, c'est un light novel. Et d'ailleurs, ils font même un coffret. Donc, le manga de base, donc, est à 7,40€. Donc, c'est un classico, hein, voilà. Mais il y a une édition, on va dire, collector, où tu as le tome 1, standard, et en plus, le premier light novel aussi. Ouais. Premier tome du light novel. Donc, voilà. Du coup, ton deuxième, c'est quoi ? Un deuxième, bah, ça va être un manga qui fait fort parler de lui des éditions Kaze depuis ce mois-ci. C'est Kaiju numéro 8, qui est aussi disponible du coup sur Manga Plus. Donc là, c'est un enfant qui s'appelle donc Kafka Ibino, qui rêve donc d'intégrer les forces de défense pour combattre les terribles ennemis. Donc ça doit être sûrement les Kaiju. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues dans leur encombrant cadavre jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose à une entité surpuissante, mi-humaine, mi-Kaiju. Ce nom de code sera Kaiju numéro 8. Donc voilà. Croisé de Pacific Rim et d'Attaque des Titans. Ouais, alors c'est à 6,90€ le bouquin, mais apparemment c'est une tuerie, c'est un gros bouquin, enfin c'est un gros monument depuis ces derniers tomes là, derniers chapitres au Japon. Donc même notre libraire m'en a parlé beaucoup bien, m'a dit ça c'est une tuerie. Ok, ne craque pas tout de suite Adrien. Donc il n'est pas encore craqué, mais je pense que c'est possible que je craque sur un titre comme ça là. Ça... Donc voilà. Ensuite, notre tome, donc cette fois-ci, c'est chez Kana. Alors là, ça va être plutôt gros coup de cœur, retour en enfance, machin. C'est le Goldorak tome 1, en fait. Donc ils ont refait un Goldorak. Donc avec une... je crois que c'est un gros format qu'ils prévoient de faire pour Goldorak. Déjà la couverture elle est magnifique et par contre ça sera un peu plus cher, il sera à 25€ le tome, donc voilà, paru mi-octobre. Oui. Mi-octobre, et je crois qu'il y a plusieurs personnes dont un français qui collabore, c'est presque plus de la franco-belge qu'un manga pur et dur. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est voilà, si vous voulez un peu de nostalgie et du renouveau en même temps, ben, foncer sur Goldorak. C'est toujours du bon. Et mon coup de cœur, je vais dire, sur toute la panoplie d'octobre, ça va être Les Architectes de Babel, donc des éditions de Glénat, à 10,75€ de tome. Ça va paraître fin du mois. De quoi ça parle? En fait, on va suivre l'avancée en fait de la construction de la tour de Babel par deux architectes, dont un qui est le descendant de Noé. Donc, on va un peu voir l'avancée donc de la construction avec les problèmes qui vont survenir lors de la construction. Alors, ce qui m'a surtout fait tilt et qui m'a dit ok, ça peut être vraiment sympa, c'est que le mangaka est en fait étudie l'architecture en fait, il est vraiment dans le milieu de l'architecture, et donc via ce manga il va mélanger en fait ces deux passions qui est et le manga et l'architecture. Donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être un super format. En plus ça va être Glénat annonce que ça va être sur un grand format. Donc, ils annoncent 544 pages quand même pour le bouquin. Donc, pour 10,75€, on a de quoi lire. Quoi. Voilà. Pour moi, c'est mon plus gros coup de cœur de ce mois d'octobre. Et c'est bon, là, tu es à 50,4 centimes. Voilà. Est-ce que c'est pas beau ? Presque beau, à 4 centimes près. Presque. Presque, c'est pas mal. Après, c'est vrai que Les Architectes de Babel, ils donnent envie, et puis c'est vrai que ce grand format de 544 pages, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis en plus, ça sort vraiment de l'ordinaire de ce qu'on peut lire, voilà, type shonen, seinen, isekai. Voilà, là, on va, c'est un sujet qui est quand même un peu à part. Et je te dis surtout que c'est un architecte, en fait, qui écrit le bouquin. Donc, du coup, il va avoir de vraies références. Il va pouvoir nous faire vraiment vivre de ces deux passions-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai hâte de le lire. Eh bien, écoute, tu m'en diras des nouvelles. Alors, de mon côté, je vais commencer par Sotonoken, qui est sorti le 6 octobre, donc mercredi dernier. Dans les années 1930, Kenshiro Kasumi, le roi des enfers, 62e grand maître de la technique de combat Hokuto Shinken, se trouve pris dans les conflits autour de la Mandchourie. Buroso Sen et Tetsu Hara reviennent plus de 10 ans après la fin du cultissime Hokuto no Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshiro. Donc voilà. Alors, Tetsuro Hara a une patte extraordinaire, soit on aime, soit on n'aime pas, mais il a cette patte. Et c'est vrai que Soten no Ken nous permet de découvrir, nous permet de rentrer dans le monde de Hokuto no Ken. Et voilà, franchement, il me tarde de voir, et il me semble que Mangetsu devrait peut-être rééditer Hokuto no Ken. Et ça serait vraiment pas mal du tout. Je l'espère, en tout cas. Donc voilà. Est-ce que Mangetsu a les droits de Hokuto no Ken? Non. Hokuto no Ken, c'est Mangetsu. À savoir que Mangetsu a sorti Keiji Tetsuo Hara. Donc, on peut supposer que Hokuto no Ken devrait apparaître bientôt du côté de Mangetsu. Alors, j'espère, hein, c'est pas sûr à 100%. Je crois qu'Aurélien m'a dit, donc notre libraire m'a dit qu'il n'y croyait pas, mais voilà, moi personnellement. Ouais, parce qu'ils ont la version en grande chez Kaze, là, Hokuto no Ken. Alors, que je te dise pas de bêtises, c'est vrai que c'est sorti chez J'ai lu. Et c'est sorti également chez Kaze. Donc, ouais, parce qu'ils ont leur édition de luxe, parce que c'est Thomas qui les a tous à l'édition de luxe de Hokuto no Ken. Ouais, et qui est sorti en 2013. Donc, 10 ans plus tard, on peut peut-être supposer que Mangetsu va se récupérer les droits. Après tout, ça serait pas étonnant. Ouais, c'est possible. Donc voilà. Donc le premier tome est à 9,90 et je sais plus s'il va y avoir le tome 2 qui va sortir en décembre. Je vais vérifier ça tout de suite. Comme ça vous saurez. Et oui, c'est ça, il y a bien le deuxième tome qui sortira le 8 décembre. Ok, donc c'est pas mal. Le deuxième manga que je conseille, ça va être Le Cauchemar d'Innsmouth. Donc, c'est chez Kayun. Ça fait partie des chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc dessiné et adapté par Gutanabe. Et le tome est à 15€. Donc, en 1927, le jeune Robert Olmsted débarque à Newburyport en quête de ses origines. Il n'a d'autre option pour atteindre sa destination que de prendre un bus qui passe par Innsmouth, ville lointaine sur laquelle courent d'effroyables rumeurs, pactées avec les démons, habitants difformes, culte ésotérique d'un étrange dieu marin. La peur qu'elle inspire est telle que personne n'ose s'y rendre et nul ne sait ce qui se cache derrière les façades de ces maisons délabrées. Pourtant, les mises en garde des résidents de Newburyport, loin de décourager Robert, le poussent au contraire à s'intéresser à ce lieu pestiféré. Il décide d'explorer les méandres de la cité maudite. C'est le début d'une descente aux enfers qui mènera aux portes de la folie. Alors, dans toute manière, dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft, tout le monde tombe dans la folie, hein, faut pas se mentir. Ça peut être légèrement retendant à force, mais graphiquement, Gunet Tanabe fait un travail extraordinaire et les adaptations de Lovecraft sont extraordinaires. Et voilà, donc franchement, il n'y a rien à redire. Si vous êtes fan d'horreur, si vous aimez les CNN, allez-y, foncez et continuez les chefs-d'œuvre de Lovecraft pour 15 euros. Est-ce que toi, t'en as pris des mangas de Gutanabe comme ça ou pas du tout? Non, je les ai pas prises encore. Parce que ce que j'ai pris, c'est. Et qu'il faut que je le dise et qu'il faut que je continue, c'est les 20th Century Box Boys, pardon. Ah, tu t'es fait corrompre par Nico, quoi? Ben écoute, j'étais assez séduit par le format et par. Par Nico aussi, mais du coup je voulais essayer ce que je n'avais jamais lu, et donc du coup j'étais plutôt parti faire ça, parce qu'après Gutanabe, après on sait que c'est le maître de l'horreur, donc je sais que Lovecraft ça va être, enfin sur les chroniques de Lovecraft c'est de la tuerie, mais voilà, pour moi j'ai pas sauté le pas, on va dire encore. Alors attention, pour moi Gutanabe est un maître de Lovecraft, mais peut-être pas forcément le maître de l'horreur. Faut pas oublier Junji Ito. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Voilà. Et pour moi, Junji Ito est peut-être le maître de l'horreur, parce qu'il a cette petite touche et lui fait dans l'originalité, parce que c'est ses propres scénarios, contrairement à merde. J'ai perdu son nom. À Gutanabe qui fait de l'adaptation. À voir. Donc voilà. Après, je te dis ça, mais je pense que Nico aurait été là, il aurait dit la même chose. Puis il t'aurait craché à la gueule. Ah bon? Ah bah, c'est un grand fan de Junji Ito. Nico. Bah oui. Donc voilà. Et pour terminer, donc je vais parler d'un comics à 18 euros qui est Batman White Knight présente Harley Quinn. Donc bon, comme ça paye pas de mine, mais c'est la suite. Oui. Batman White Knight, ça y est, tu m'as conquis. Ah bah voilà. Ouais, ça voilà. Me fait plaisir. Est-ce que tu avais lu Curse of White Knight ou pas du tout? Non, pas encore. Je l'ai. Hein. Voilà. Je l'ai en version noir et blanc, hein, mais je ne l'ai pas lu encore. Bah, voilà. Donc, du coup, c'est la suite de Curse of White Knight. Okay. Donc, vu que tu n'as pas lu Curse of White Knight, je ne vais pas te spoiler. Mais du coup, c'est une suite qui est bien réussi. C'est scénarisé par Sean Murphy, mais c'est dessiné par quelqu'un d'autre. C'est la petite nuance de la chose. Et de toute manière, tu vas avoir Urban qui va te le proposer en version couleur, comme en version... Alors attendez, j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde, je rectifie. Le scénariste, c'est pas Sean Murphy, c'est Katana Collins. Et c'est l'illustrateur, c'est Matteo Scalera. Et les variant covers, ou plutôt les premières covers, sont signées Sean Murphy et contrôlées par Sean Murphy qui surveille quand même son badverse. Et c'est une suite complètement solide et j'ai complètement kiffé de le lire en VO. Donc du coup, je l'ai commandé en noir et blanc pour pouvoir me le relire en français. Ça va falloir que je me le précommande vite fait, parce qu'à mon avis, celui-là... Ouais, je pense que ça partira vite et c'est pas cher. Tu as le tome à 18 euros en noir et blanc. C'est vrai que c'est pas cher. Alors tu as aussi moins de chapitres. Ok. Ouais, parce que c'était des gros pavés, hein, les White Knight. Oui, les One Knight étaient des gros pavés. Là, de mémoire, tu as que 4 ou t'as 4 chapitres. Non, t'as 6 chapitres. Donc, t'as 176 pages. Donc voilà. Alors, je peux pas lire le résumé, sinon je te spoil et ça serait dommage. Mais franchement, c'est une excellente histoire qui m'a fait mal au cœur pour certaines choses. Donc voilà, c'est bien. Mais moi, ça m'a un peu pincé le cœur. Mais voilà, j'espère qu'il y aurait peut-être une suite. Je kifferais suivre ce Elseworld qui est vraiment très très bon. Et moi, je vais vérifier que ça a été bien commandé en noir et blanc. Je vais tout de suite d'ailleurs envoyer un message à la librairie. Et voilà, comme ça sera bon. Donc, c'est mon dernier conseil d'achat et je suis à 42,9. Oui, c'est ça. Propre. C'est propre. Très, donc, très propre. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Non, mais même la couverture en noir et blanc, elle démonte, quoi. Elle est géniale. Ah, Écoute. Il me tarde. Donc voilà, c'est tout ce que c'est tout ce qu'on avait à dire. On a quelque chose à rajouter, Adrien? Eh bien, écoute, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur ces nouveautés, niveau animé, pop, même les comics, les mangas achetés. Franchement, je pense qu'on a fait bien le tour. Eh bien, parfait. Bon, ben, du coup, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Bonne soirée à tous et bonne journée. She's so-